15. Madame Macmiche dégorge et s'évanouit. Le juge de paix, voyant entrer Charles. « Comment te voilà, mon garçon ? Eh bien, tu n'as pas fait une longue station à Ferris Hall. Comment t'en es-tu tiré ? Est-ce pour longtemps ? » Charles. « Pour toujours, monsieur le juge, et je viens vous demander votre appui pour ne pas rentrer chez ma cousine Macmiche, qui d'ailleurs ne veut pas de moi, et puis pour me permettre de vivre chez mes cousines Dykins. » Le juge. « Écoute, mon ami, pour moi ça m'est égal, mais tu ne dépends pas de moi seul. Tes cousines Dykins ne sont pas riches, tu le sais bien. Peut-être ne voudront-elles pas de toi, elles n'auront pas de quoi t'entretenir. » Charles. « Mais moi je suis riche, monsieur le juge, et je leur abandonne volontiers tout ce que j'ai. » Le juge. « Tu m'en as déjà touché un mot. Tu m'as dit que tu avais 50 000 francs. Ta cousine Marianne m'en a parlé aussi. Mais la cousine Macmiche jure, ses grands dieux, que ce n'est pas vrai, que tu n'as rien. » Charles. « elle ment, monsieur le juge. Demandez à Marianne qu'elle vous fasse voir ses preuves. Vous saurez de quel côté est la vérité. » Le juge. « Je verrai, je m'en occuperai, mon ami. En attendant, je t'accorde volontiers l'autorisation de vivre chez tes cousines Dykins. Voilà deux braves filles et qui ne ressemblent pas à la cousine Macmiche. » Charles. « Merci, merci, mon bon monsieur le juge. Juliette va-t-elle être contente, aussi contente que moi ?» Le juge, riant. « Juliette aime un petit diable comme toi ? Allons donc, quelle plaisanterie !» Charles. « Elle m'aime si bien qu'elle pleurait quand j'ai dû entrer chez monsieur Olnick. Ainsi, ce n'est pas de la petite affection, ça. Pleurer, c'est qu'on ne pleure que lorsque le cœur est bien touché. Je sais ça, moi. » Le juge, riant. « Bon, tant mieux pour toi si Juliette t'aime. Cela prouve que tu vaux mieux que je ne pensais. Va, mon ami, va chez tes cousines. Je m'occuperai de ton affaire. Justement, j'entends Marianne. » Charles. « Et vous donnerez ce qui m'appartient à mes cousines Dykins, monsieur le juge, n'est-ce pas ?» Le juge. « Ceci ne dépend pas de moi, je te l'ai déjà dit. Je ferai seulement de mon mieux pour éclaircir l'affaire. » Charles sortit à moitié content. Il craignait d'être à charge à ses cousines, et que Juliette surtout ne souffrît de leur position gênée. Il alla du côté de la rue du Baume tranquille, et il dut passer devant la maison de madame Macmiche, rue des Combats. Elle était dans sa cuisine. Charles mit le nez à la fenêtre et vit madame Macmiche avec un monsieur qui lui était inconnu. Tous deux tournaient le dos à la fenêtre et causaient avec animation, surtout madame Macmiche. Son bonnet de travers, ses mouvements désordonnés dénotaient une vive agitation et un grand mécontentement. Charles se retira prudemment et continua son chemin. Son cœur battit plus vivement quand il tourna le bouton de la porte et quand il se trouva en présence de Juliette qui tricotait comme de coutume. Au léger bruit qu'il fit en ouvrant la porte, Juliette se retourna vivement, écouta avec attention. « Qui est là ? » dit-elle, d'une voix légèrement émue. Charles sourit, mais ne répondit pas. « C'est toi, Charles ? Mais réponds donc, je suis sûre que c'est toi. »« Juliette, Juliette, ma bonne Juliette !» s'écria Charles. « C'est moi, oui, c'est moi. Je reviens pour ne plus te quitter. Le juge l'a permis. Je vivrai avec toi. » Charles s'élança au cou de Juliette avec une telle impétuosité qu'il manqua de la jeter par terre. Elle l'embrassa avec une grande joie. Juliette. « Mon bon Charles, que je suis contente de te savoir hors de cette horrible maison. » Charles. « Horrible, tu as bien raison. Horrible, c'est bien le mot. J'ai eu du mal pour en sortir, va. » Juliette. « As-tu été bien malheureux, mon pauvre Charles ?» Charles. « Malheureux, non, j'étais trop occupé. Pense donc qu'elle travaille pour inventer des choses affreuses, inouïes, et pour les exécuter tout seul, sans autre aide que celle très rare et difficile de Betty. Il fallait arriver à me faire chasser, et pourtant à ne jamais être découvert. Je n'avais pas le temps d'être triste et malheureux. » Juliette. « Ainsi, tu n'as pas du tout pensé à Marianne, ni à moi ?» Charles. « Au contraire, toujours, tout ce que je faisais, ce que j'inventais, c'était pour vous rejoindre. Et toi, Juliette, pensais-tu à moi ? » Juliette. « Oh, moi, toujours, j'étais inquiète, j'étais triste. Mes journées ont été bien pénibles en ton absence, mon pauvre Charles. J'avais si peur que tu ne fisses quelque chose de mal, de réellement mal. Tu sais que tu as toujours l'idée de te venger quand on a mal agi envers toi. Et c'est un si mauvais sentiment, si contraire à la charité que nous commande le bon Dieu. Et quand tu offenses le bon Dieu, mon pauvre Charles, j'en éprouve une telle peine que je te ferais pitié si tu voyais le fond de mon cœur. » Charles. « Juliette, chère Juliette, pardonne-moi. Je t'assure que ce n'est pas exprès que je suis méchant. » Juliette. « « Je le sais, mon ami, mais tu te laisses trop aller. Tu ne pries pas le bon Dieu de te venir en aide. Et alors, tu n'as pas de soutien, et tu tombes. » Charles, « sois tranquille, Juliette. À présent que je serai avec vous deux, tu verras comme tu seras contente de moi, et comme je t'écouterai docilement, sagement. » Juliette sourit, se tut et reprit son tricot. Charles, « sais-tu que j'ai bien faim, Juliette ? J'ai mangé un morceau de pain sec à 8 heures et il est midi passé. » Juliette, « j'attends Marianne pour dîner, mais si tu veux manger une tranche de pain, tu sais où il est, prends-en un morceau. » Charles, « je vais manger une bouchée en attendant, je craignais que tu n'eusses dîné. » Comme il achevait son morceau de pain, Marianne entra. « Ah, te voilà, Charlot, » dit-elle en l'embrassant. « Tu t'es donc fait chasser ? Cela ne m'étonne pas, je l'avoue. Prends garde de te faire chasser aussi par Juliette, qui va t'avoir toute la journée sur le dos. » Charles, « non, Marianne, je travaillerai. J'irai chez monsieur le curé, chez le maître d'école. Ils me feront travailler et je ne vous ennuierai pas. Je ne ferai aucune sottise. Je deviens raisonnable à présent. » Marianne, souriant. « Ah, depuis quand, monsieur Charlot, êtes-vous passé dans les rangs des gens sages ? » Charles, « depuis longtemps, depuis que je suis malheureux. » Marianne, riant. « C'est singulier que je ne m'en sois pas aperçu, ni Juliette non plus. » Charles, « vous, Marianne, vous ne me connaissez pas, mais pour Juliette, je suis sûre qu'elle me trouve de plus en plus sage. » Juliette sourit. Charles la pressa de répondre. Elle finit par dire, « ne parlons pas du passé et songeons à l'avenir. Je parie que Charles va être tout autre avec nous qu'avec ma cousine Macmiche. » Charles, « je ressemblerai aussi peu à ce que j'étais que vous ressemblez peu à la vieille cousine. » Marianne, « allons, que Dieu t'entende, Charlot. Je ne demande qu'à te rendre service et à trouver en toi un second Saint-Charles. » Au même instant, la porte s'ouvrit avec violence et Madame Macmiche parut sur le seuil à la grande terreur de Juliette qui la devina à son souffle bruyant et au cri étouffé de Charles. Tout le monde garda le silence. Madame Macmiche, pâle et tremblante, s'approcha de Marianne, qui l'attendit de pied ferme. « Marianne, dit-elle d'une voix adoucie par l'émotion, qu'avez-vous dit au juge relativement à moi ?»« Au juge ? Répondit Marianne, très surprise. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne me souviens pas d'avoir parlé au juge. »« Vrai ? Reprit la Macmiche, en se remettant de son émotion. « Il a donc inventé, menti, pour me faire parler, sans doute. » « Monsieur le juge n'est pas capable de mentir, » dit Charles, qui était dans un recoin sombre de la salle et que Madame Macmiche n'avait pas encore aperçu. En entendant la voix de Charles, Madame Macmiche se retourna vivement et poussa un cri d'effroi. « Madame Macmiche, le voilà revenu, ce cauchemar de ma pauvre vie. Comment s'est-il échappé ? Remettez-le là-bas. En le recevant, vous recevez une légion de fées. Chassez-le, vite, vite ! Je ne veux pas de lui d'abord. » « Marianne, soyez tranquille, ma cousine, vous ne l'aurez pas. Quand même vous le voudriez. Monsieur le juge me l'a confié, je le garde. Il est sous ma tutelle. » Madame Macmiche, « et avec quoi le nourrirez-vous ? » Marianne, « ceci est mon affaire, ce n'est plus la vôtre. » Charles, « vous savez bien, ma cousine, que vous avez 50 000 francs qui sont à moi. Vous les rendrez à Marianne, qui est ma gardienne, et nous vivrons tous là-dessus. » « Scélérat, menteur ! » s'écria la Macmiche d'une voix étranglée. « Marianne, ne le crois pas. Ma fille, ne l'écoute pas. » Marianne, « pardon, ma cousine, je sais qu'il dit vrai. C'est moi qui le lui ai appris. Et maintenant que vous m'y faites penser, je me souviens d'en avoir parlé au juge. C'est peut-être ce que vous me demandiez en entrant. » Madame Macmiche, « malheureuse, tu m'assassines. Je ne puis rien rendre, je n'ai rien. » Marianne, « tout cela ne me regarde pas. C'est monsieur le juge qui en sera chargé par la Tornay. » Madame Macmiche, « la Tornay ? Mais c'est une infamie que ces intornais. Ils condamnent toujours. » Dans toutes les affaires, il condamne quelqu'un. Je n'ai rien. Croyez-moi, mes chères, mes bonnes cousines. Ayez pitié de moi, pauvre veuve. Charles, mon bon Charles, intercède pour moi. Songe que je t'ai logé, nourri, habillé pendant 3 ans. Charles, quant à ça, ma cousine, je ne vous ai pas grande obligation. Logé comme un chien, nourri comme au workhouse, habillé comme un pauvre, battu tous les jours, abreuvé d'humiliations et d'injures. Et pendant que vous me reprochiez le pain que je mangeais, que vous m'appeliez mendiant, vous aviez ma fortune que vous me dissimuliez et qui payait au-delà la dépense de la maison. Mes cousines d'Aïkine sont pauvres, elles ne peuvent pas me garder pour rien. Il est juste que ma fortune passe entre les mains de ma nouvelle tutrice. » Madame Macmiche joignant les mains. « Mais je te dis, je te répète que je n'ai rien, rien à rendre, puisque je n'ai rien. » Charles leva les épaules et ne répondit pas. Marianne contemplait avec dégoût cette vieille avare tombée à genoux au milieu de la chambre et continuant à implorer leur pitié à tous. La scène se compliqua par l'arrivée du juge de paix, accompagné du vieux monsieur que Charles avait vu à travers la croisée de Madame Macmiche. « Qu'est-ce, Madame Macmiche ? » dit le juge avec ironie. « À genoux, devant vos cousines ? Quel méfait, quel crime avez-vous donc commis ?» Madame Macmiche resta atterrée. Elle comprit que l'attitude de suppliante dans laquelle l'avait surpris son correspondant et le juge déposait contre elle et la faisait préjuger coupable de quelque grande faute. Elle ne trouva pas une parole pour s'excuser. « Madame Macmiche, continua le juge, je suis fâché de vous dire que, malgré vos dénégations et vos serments répétés, il paraît certain que vous avez réellement détenu à votre profit la somme de 50 000 francs appartenant à votre cousin et pupille, Charles Macklands, lesquels 50 000 francs vous avez été confiés par le père de Charles, au profit de son fils. » Madame Macmiche, avec une force toujours croissante, « C'est faux, c'est faux, c'est faux ! Je n'ai rien à ce garçon, et je ne lui dois rien !» Le juge. « Prenez garde, Madame Macmiche. Il y a des preuves contre vous, des preuves écrites. » Madame Macmiche. « C'est impossible, il n'y a rien d'écrit, j'en suis certaine. » Le juge. « Si vous persistez à nier, il faudra que je remette l'affaire entre les mains de Latornay et une condamnation serait le déshonneur. Et puis, les frais entameraient vos capitaux, à vous appartenant. » Madame Macmiche se roula par terre en criant. « Mon argent, mon pauvre argent !» Qu'on ne touche pas à ma caisse, je vous ferai tous condamner à la déportation, mais vous n'y arriverez pas, vous n'y trouverez rien. » Le juge. « Calmez-vous, Madame Macmiche, il ne s'agit pas de vous prendre votre argent, mais de vous faire rendre celui qui ne vous appartient pas. Monsieur Blackday, veuillez parler à Madame et lui faire voir clair dans cette affaire, » ajouta le juge en souriant. Monsieur Blackday s'avança. « Madame, dit-il, je vous ai informé tantôt que j'avais reçu une lettre. Dicté par vous, et qui me parlait de ces 50 000 francs. Cette lettre, m'avez-vous dit, était un tour infâme de votre petit cousin Charles Macklands. Je vous ai parlé d'une autre lettre que m'avait adressée ce pauvre garçon. Il me dépeignait sa lamentable situation, et il me reparlait de cette somme, dont monsieur le juge de paix, disait-il, avait connaissance. J'ai été touché de l'appel de ce pauvre orphelin, et je suis venu ici pour en causer avec vous, puis avec monsieur le pice-justice. Vous avez tout nié. Monsieur le pice-justice m'a tout démontré par des informations verbales, mais incontestables, et par un papier écrit de votre main. Vous avez sans doute ignoré jusqu'ici cette dernière circonstance que je crois devoir vous révéler. Ce papier est le reçu écrit de votre main des 50 000 francs de Charles, et remis à Monsieur Macklands père, lequel l'a mis dans un portefeuille qu'il a confié à des mains sûres. Ce document existe encore, nous l'avons vu, Monsieur le pice-justice et moi. Et puis, Madame, à l'époque de la mort de M. Macklands, décédé dans votre maison, j'ai reçu de vous, pour être placé en votre nom, la même somme de 50 000 francs réclamée par Charles. Comment justifierez-vous de la possession de cette somme ? Madame Macmiche, atterrée par ces témoignages accumulés, ne répondit pas. Elle ne voyait ni entendait plus rien de ce qui se passait autour d'elle. Quand le juge lui demanda une dernière fois si elle voulait restituer à Charles le capital et les intérêts de la somme qui lui appartenait, ou bien subir les chances d'un procès qui la ruinerait peut-être, elle trembla de tous ses membres. Effarée et perdue, elle tira machinalement et avec effort la clé cachée dans son estomac, murmura d'une façon presque inintelligible « Cassette, clé, caisse, sauvez, sauvez tout !»« Où se trouve la caisse ?» demanda le juge de paix. « Le mur, derrière l'armoire. » Et poussant un gémissement douloureux, elle ferma les yeux et perdit connaissance. Le Peace Justice, la laissant aux mains de Marianne, sortit avec M. Blackday et alla chez Madame Macmiche pour ouvrir la caisse et voir ce qu'elle contenait. Ils trouvèrent la clé dans la cassette, mais ils eurent de la peine à découvrir la caisse, scellée dans le mur et masquée par l'armoire qu'ils ne songeaient pas à déplacer à cause de son poids. Toutefois, en la poussant, ils découvrirent qu'elle était sur roulette et qu'elle se déplaçait très facilement. Ils ouvrirent donc la caisse, et après quelques difficultés pour arriver jusqu'à l'intérieur, ils trouvèrent enfin le trésor. Les papiers relatifs aux 50 000 francs de Charles et les rouleaux d'or étaient séparés des 210 000 francs de valeur de Madame Macmiche. Le juge les prit, les compta, dressa un procès-verbal de la rentrée en possession, prit ensuite 6 000 francs en or provenant des intérêts durant 3 ans. « Je laisse à Madame Macmiche, dit-il, 1 500 francs pour payer la pension du pauvre Charles pendant les 3 années de privations et de martyrs qu'il a passées chez elle. Je vais remettre les 6 000 à Marianne pour sa dépense courante et garder les 50 000 francs pour les lui verser entre les mains quand elle sera définitivement tutrice de Charles.